Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. C'est les séries de la NBA avec notre ami Pascal Jobin. On parle, comme toutes les semaines, on lui parle. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, je veux te parler des Raptors hier, des 76ers qui sont bondis. Écoute, on l'avait prédit que ça irait en 7. Ouais, ben t'avais raison. Toi, t'avais dit quoi, toi? Je m'en rappelle plus. Ouais, non, mais il y a une période où on pensait, tu sais, les Sixers ont gagné le deuxième match à Toronto. Après ça, Toronto a complètement démoli les Sixers. On pensait que c'était fini. Finalement, c'est 3-3. Fait que, puis on a, on l'a dit, Danny, souvent, les deux équipes ont perdu chacun sur la route. Et là, match décisif, avantage du terrain à Toronto, ça va être tout un match. Ouais. Ça va être intéressant de voir si Joel Embiid va vraiment être en santé, parce qu'un match est en santé, un match n'est pas en santé. Ouais. Et puis Kawhi Leonard, ben c'est ça. Match numéro 7, on va voir s'il est le meilleur joueur de la NBA en ce moment, parce que Kevin Durant, on va en parler tantôt, n'est plus dans les playoffs. Ben c'est ça, mais écoute, peu importe, le Kawhi joue des séries extraordinaires. Là. Tu diras ce que tu voudras, là, mais il joue des séries. Phénoménal. Hein? Là, il donne raison à Masai Ujiri d'avoir été le chercher. C'est extraordinaire. Parce que ouais. Est-ce que si Kawhi, les Raptors sont même plus là, je pense que Kawhi... Ah, ils sont pas là du tout. Ils sont même plus là. C'est pas Kyle Lowry qui fait la job. Là, on a besoin d'un match. Le match numéro 7, là, même si Kawhi fait 45 points, faut que les autres joueurs, Ibaka, Gasol, Pascal Siakam, doivent performer à un très haut niveau. Au moins, on retourne à Toronto, on a l'avantage du terrain, et c'est vraiment un match. C'est quoi? C'est un match important, parce que si Toronto perd ce match-là, et n'avance pas en finale contre les Bucks, on sait qu'on vient de perdre Kawhi, c'est presque assuré. Tu penses? Parce que, j'écoutais un podcast avec les gars d'RDS, je sais pas si tu l'écoutais, là, le podcast, puis je donnais raison à Mathieu Jolivet qui dit « Kawhi, si on se rend en série, c'est en finale, c'est sûr qu'il va. » Mais Mathieu Jolivet, il disait « Regarde, je pense que ça n'aura même pas d'impact sur la décision. » Puis j'avais tendance à être d'accord avec Mathieu là-dessus. Est-ce qu'on a trop mis avec cette histoire-là? Ben, souvent, ce qu'on oublie, c'est que c'est des êtres humains, OK? Ouais. Est-ce que Kawhi Leonard veut vivre à Toronto? Est-ce que Kawhi Leonard, qui est un gars de la Californie, il a joué à San Diego State, je me trompe pas. Ouais. Est-ce qu'il veut rester à Toronto pour exemple, 3-4 prochaines saisons? On le sait pas. Maintenant, si tu prends ce que les Clippers ont fait sans vedette, tu ajoutes Kawhi, wow! Parce que tu l'as dit depuis le début, Kawhi, s'il s'en va à Los Angeles, ce ne sera pas avec les Lakers, ça va être avec les Clippers. Ben, c'est ce que je pense, les Clippers. OK. Donc, je reviens, c'est un match extrêmement important, par contre. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Parce que les Raptors, on dit en début de saison, c'est une finale, sinon ça va être un échec. Mais là, écoute, la manière que les Bucks jouent, je pense que... Je suis pas sûr, moi, que je vais y aller avec les Raptors contre les Bucks pour plusieurs raisons. Les Raptors, le manque de profondeur, pourtant, on a dit tout au long de l'année que le banc des Raptors est excellent. Mais contre les Bucks, ça va faire toute une différence. Moi, je pense. C'est une différence. Le banc de Toronto fait pas bien. C'est vraiment que Kawhi qui traîne l'équipe. Ah, regarde. Je pense qu'il s'amène plus là. 38 points par match, 61% du terrain, 46% de 3 points. Écoute, c'est une des meilleures séries dans l'histoire de la NBA pour un joueur. C'est à la Jordan, à la Hakeem Olajuwon, à la Kobe Bryant. Là, c'est spectaculaire ce qu'il fait. Ouais. Donc, comment tu vois le septième match? Parce que moi, je pense que la foule de Toronto va permettre aux Raptors de passer un autre étape. Je te le dis, si Joel Embiid est en santé, ouais, et va chercher 20 points et 12 rebonds, Sixers vont gagner. Si Joel Embiid n'est pas en santé ou ne performe pas, Toronto gagne, c'est sûr. OK, OK. Pourquoi le match est dimanche soir? Il n'y a même pas de match demain dans NBA en passant. C'est bizarre, pareil. Là, Danny, je t'aime beaucoup. La TV, sûrement. C'est sûrement la TV, j'imagine. Ça? Peut-être à cause des playoffs du hockey. Je ne sais pas. Voilà, c'est ça, là, la Ligue nationale de hockey aux États-Unis, c'est pas pire, là. C'est mieux que ça a déjà été, mais c'est rien de comparable à la NBA. L'autre série, Boston-Milwaukee. Moi, j'étais sûr, j'avais mis les Celtics en 7. Me dire pourquoi, parce que les Bucks, moi je disais, le manque d'expérience des Bucks va faire en sorte que peut-être qu'ils ne passeront pas, mais ça n'a même pas été serré. Kyrie Irving, qui a quitté Cleveland parce qu'il voulait être le monsieur, hein? Ouais. L'année passée, je ne sais pas, et Boston se rend en finale contre les Cavaliers, ont toute une tirée dans les playoffs. Cette année, les attentes sont immenses. C'est pas une équipe, ils ne sont pas soudés ensemble. Ils ne performent pas ensemble. Et Kyrie Irving, là, qui 58 tirs dans cette série-là, Danny. Et je m'excuse, mais il ne joue pas bien avec lui. Bye-bye, Kyrie, c'est fini avec Boston. Les Bucks de Milwaukee, à part le premier match où tout le monde disait « Ah, c'est fini », il y a même du monde qui ont dit « Ça va te finir 4-0 pour Boston ». C'est l'inverse, ça finit. Ils ont gagné les 4 matchs suivants. Milwaukee, une équipe soudée ensemble, une équipe qui aime jouer ensemble. Ils adorent leur vedette. Le ballon circule. Ils jouent bien défensive. Écoute, c'est toute une job que Mike Budenholzer fait avec cette équipe-là. Et je serais même pas surpris de les voir en finale NBA cette année. Et peut-être même gagner. Ben, si Kevin Durant ne revient pas de sa blessure, Milwaukee aurait une chance de gagner la NBA contre. S'il gagne l'Est, de battre soit les Rockets. Oui, Pascal, les Bucks de Milwaukee, lorsqu'on parle de bon développement, de bon repêchage, de bons échanges, bien misé sur les Bucks dans un petit marché, je pense que... Hein? C'est vraiment... Non, écoute, au niveau des échanges, on a été chercher Eric Bledsoe, on a été chercher Mirotic, Yanis fait partie du repêchage. Je pense que la venue de Mike Budenholzer, un ancien des Spurs, qui a quand même amené à 60 victoires, fait une différence. On était chercher des Lakers, Brook Lopez qui tire des trois points, qui est probablement un des plus gros centres dans la NBA à 7 pieds 1, 260 livres. Écoute, c'est une équipe longue, athlétique. Chris Middleton, tout un joueur, un joueur étoile cette année. C'est une équipe là, spectaculaire. Pour moi, ils ont trois joueurs vedettes. Là. On sait qu'Yanis, c'est une super vedette, probablement soit le MVP ou le deuxième cette année au niveau de joueur le plus utile dans la NBA. Mais Eric Bledsoe, c'est un joueur étoile. Chris Middleton, c'est un joueur étoile. Lopez, pas loin. Écoute, c'est toute une équipe, là, avec un excellent. OK. Donc, c'est... Hey, pour Kyle Irving, c'est un échec. Hein. Je me rappelle, il voulait quitter Cleveland parce qu'il voulait être le numéro un. Il était tenu à être le deuxième derrière LeBron. C'est un échec. Total. Un échec de son leadership, de son attitude, mon leadership. J'ai pas aimé ce que j'ai vu. Le match numéro, si je me trompe pas, 4, il a sorti du terrain sans parler à personne. Le match n'était pas fini, il restait comme 6 secondes. Le dernier match, il a passé devant son entraîneur, il l'a pas regardé. Il a été serré la main à Giannis. Je m'excuse, je suis pas impressionné. Puis tu sais quoi, il a pleuré, là, mais là, il doit pleurer parce qu'il s'ennuie de LeBron James, parce que LeBron James l'a fait bien pareil. Ben oui. Ça arrive souvent des joueurs de même. Maintenant, Houston, Golden State, 3-2. Écoute, la blessure de Kevin Durant, t'as Kurt Durant, puis t'as DeMarcus Cousins également. C'est beau avoir de la profondeur, mais tu peux pas remplacer deux joueurs vedettes de même. Est-ce que c'est assez pour faire virer de bord? Absolument, mais je pense que Houston aurait dû gagner le match. On perdait par 21 points. On est revenu dans le match. Et on a pris l'avantage quand Kevin Durant était sur le terrain. Et lorsque Kevin Durant est sorti, on a vu quelque chose, Danny, qu'on voit souvent quand une vedette est blessée. Faut pas oublier, Klay Thompson, c'est pas n'importe qui, et Steph Curry, c'est deux fois joueur de l'année dans la NBA, ont performé, c'était de toute beauté. Et le match numéro 6 à Houston, Kevin Durant sera pas là. S'il y a un match numéro 7, Kevin Durant sera pas là. Donc, on a une chance du côté de Houston de jouer sans le meilleur joueur, selon moi, des Warriors. Mais il y a un analyste, Danny, qui a fait un commentaire. Il a dit Kevin Durant avec les Warriors, c'est pas une nécessité, c'est un luxe. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'ils ont gagné 72 matchs, Kevin Durant n'était pas là. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Ça veut dire que tu as Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green, Steph Curry, Iguodala, ils ont besoin d'en faire un petit peu moins. S'ils en font un petit peu plus, ils sont aussi bons, sinon meilleurs qu'avec lui. Tu comprends? Ouais. Mais honnêtement, si Houston perd le match numéro 6 et les Warriors gagnent la série 4-2, c'est aussi une saison, un désastre. Mm. Et ce qui est intéressant, Danny, au match numéro 5, James Harden a pris, quoi, 7 shots au quatrième quart. Il a disparu. Fait que c'est vraiment dur à comprendre. Et Chris Paul performe vraiment pas au niveau que Chris Paul devrait performer. OK. Moi, je pense que Warriors vont battre Houston à Houston en passant. Mais attends-toi un match numéro 7 à Golden State. OK, Golden State. Bon, OK, dans l'autre série maintenant, ça, il va y avoir un match dimanche après-midi entre Denver et Portland. Écoute, c'était probablement la finale, une des finales les plus serrées qu'on peut prédire, au moins dans l'Ouest, là, qu'on peut prédire. Absolument, on s'attendait à ce que ce soit serré. Ouais. Portland a une très belle série. Écoute, c'est du beau basket. C'est deux équipes qu'on connaît pas beaucoup, Danny. Ouais. Mais si les gens ont la chance d'aller voir ça, là, c'est athlétique. Puis le meilleur Canadien avec Jamal Murray, ouais. C'est vraiment une équipe intéressante à voir jouer. Puis ça va être intéressant, mais moi, je te l'ai dit depuis le début, je donne l'avantage à Denver. Donc, surtout que le match est à Denver. Dernier point que je veux te parler, la semaine prochaine, c'est le tirage, c'est la loterie, finalement. Les Knicks doivent prier pour avoir Zion. Moi, écoute, c'est un gars... Et moi, je prie aussi, parce que les Knicks, c'est le temps là, qui sortent des bas-fonds. Ça fait des années que depuis Patrick Ewing, ils ont eu un petit peu Carmelo Anthony, mais les Knicks, c'est pas supposé... Tu sais, c'est la grosse équipe de New York. Et, il me semble que Zion serait fait pour New York. Est-ce que tu es d'accord? Ben, tout le monde aimerait ça voir Zion à New York, surtout les New Yorkais, puis le monde... Ça va être intéressant de voir, mais... Tu sais... Ça va retomber, redevenir à la chance, mais c'est sûr que ça fait pour la NBA, Danny, ils font la job, hein. Publicité, marketing, tout ça, là. Fait que c'est vraiment. Les Knicks qui ont le plus de bouliers, c'est ça? Ouais, c'est les Knicks qui ont la chance, la plus grande chance d'avoir. Zion, d'avoir le premier choix. OK. Donc, Pascal, on se reparle la semaine prochaine? Ça fait plaisir, Danny. Chronique NBA avec Pascal.